Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est parti pour une heure de science avec Futur Simple. Hypothèse, théorie, principe, ce sont des mots qu'on utilise dans le vocabulaire courant, dans le sens d'une supposition, d'une possibilité, même de spéculation. Quand on dit que quelque chose est hypothétique ou qu'en principe la pluie devrait cesser, c'est qu'on n'en est pas tout à fait sûr. Mais en science, ces mots ont une autre signification et la confusion peut mener à de l'ambiguïté. Alors à 18h30, nous serons en compagnie d'Anthony Bertrand-Grenier, qui est doctorant en épistémologie et qui va nous décortiquer tout ça. Mais pour le moment, c'est une autre exploration que je vous propose. À quoi ressemblera l'humanité quand nous aurons fusionné avec les technologies numériques et l'IA, quand notre intelligence humaine et l'IA seront imbriquées et que nous penserons et réfléchirons au prisme de l'IA? Olivier Diens est professeur au département des littératures de langue française à l'Université McGill et il vient de publier un livre intitulé L'humanité artificielle. Quand l'IA nous réinvente, qui renaît? C'est aux éditions XYZ. La lecture de ce livre est assez vertigineuse et Olivier Diens est avec nous pour nous en parler. Bonjour Olivier Diens. Bonjour Madame Levé, comment allez-vous? Ah bah ça va très bien, je suis contente de vous avoir au micro pour nous décortiquer ce livre. En fait, c'est même assez inusité d'accueillir un professeur de littérature dans une émission de science. Mais faut dire que vous êtes le fondateur du laboratoire Building 21 et que les prochaines recherches y sont particulièrement inusitées. Et plutôt que de tenter moi-même d'essayer de les définir, d'en faire le tour, je vous invite à nous présenter les recherches que vous faites au sein de ce laboratoire. Oui, en fait, vous avez raison. En fait, Building 21 ressemble un petit peu à mon approche. Donc, l'idée de Building 21, c'est d'avoir des étudiants de l'Université McGill et les inviter à faire des projets qui ne peuvent pas être faits dans les cadres traditionnels de l'université parce que, par exemple, ils sont trop multidisciplinaires ou trop créatifs, parfois trop ambitieux, parfois embryonnaires. Et ce qu'on fait, c'est qu'on invite les étudiants à nous proposer des projets. On prend des étudiants de tous les départements et de tous les cycles, du baccalauréat au postdoc. On ne leur donne pas ni notes ni crédits, donc ce qui leur permet d'explorer à fond et librement une idée jusqu'au plus profond de son questionnement. Et en fait, ils brainstorment ensemble sur leur sujet. Et on a une série de bourses de 3 000 $ qu'on donne aux étudiants. On les appelle les bourses BLUE. Donc BLUE, c'est un acronyme pour, et ça représente bien Building 21, Beautiful, Limitless, Unconstrained Exploration. Et en fait, l'idée, un peu comme dans mon livre, c'est que, en fait, dans mon approche, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de résoudre, je pense qu'il est important de résoudre des problèmes aujourd'hui qui sont d'une complexité immense avec des approches multiples. Donc, à la fois scientifiques, à la fois philosophiques ou littéraires, parfois économiques, parfois plus dans les sciences appliquées, etc. Donc, Building 21, un petit peu, représente tout ça et ça représente mon approche aussi comme essayiste. Oui, puis j'ai regardé un peu le profil des étudiants donc qui mènent ces projets. On voit des fois bon des informaticiens, mais aussi des gens en économie, des gens en génie mécanique. C'est vraiment très diversifié. C'est assez surprenant. Et finalement, ça met la table un petit peu à ce livre donc l'humanité artificielle parce qu'effectivement, on ne sait pas trop si on se situe dans une étude des nouvelles technologies, de la philosophie, de l'éthique, de la littérature. C'est un petit peu tout ça. Et donc, on va tenter de mener cette entrevue comme un fil conducteur, un petit peu à travers, qui va nous promener à travers ce livre. Et ça commence par la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'intelligence humaine? Et vous parlez, par exemple, du syndrome de Grenier, que j'aime beaucoup parce que c'est effectivement ça, on est en plein dedans. Bon, aussi des sentiments, de l'angoisse de la mort. Donc, c'est un peu ça qui caractérise l'intelligence humaine. Oui, en fait, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que d'abord la hiérarchie qu'on a tous un peu dans notre tête de l'intelligence, qui veut pas, on a l'impression que l'être humain est en haut de cette hiérarchie planétaire. et que l'intelligence artificielle, on a un petit peu de la difficulté à la placer. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la hiérarchie, la science nous montre qu'elle est beaucoup moins claire qu'on le pense, hein, Ouais. et que disons, les périphéries de ce qu'on considérerait l'intelligence, il y a des choses troublantes qui se passent. Et ces choses troublantes, justement, ben, on peut se dire qu'elles sont quelque part articulées aussi par l'intelligence artificielle, hein, qui les met comme en lumière, ce trouble. Hein, qu'est-ce que l'intelligence peut, est-elle possible dans des corps non biologiques? Est-elle possible, justement, pour revenir à ce que vous disiez, est-elle possible dans des structures qui n'ont pas d'angoisse existentielle, qui n'ont pas peur de la mort, enfin, qui n'ont pas peur de la mort, qui ont peur de la mort, mais différemment de nous, qui n'ont probablement pas souffert, qui ne sont pas le fruit de l'évolution essentiellement. Hein? C'est Donc ça. les êtres vivants sont le fruit de l'évolution, ce qui fait donc qu'on partage des caractéristiques très proches avec les mammifères, mais aussi les ovipares, avec les insectes. Il y a des choses qui se ressemblent. Et là, on se retrouve devant quelque chose dont le produit nous semble certainement intelligent et conscient, mais dont la structure de base n'a pas du tout, ne ressemble en rien à celle que nous connaissons déjà. Et l'idée un petit peu qui m'allume dans tout ça, c'est cette citation qui dit que, vous savez, la nature ne se préoccupe pas vraiment du comment. Tout ce qui compte pour elle, c'est le résultat. Donc, il y a 40 façons différentes de faire un œil dans la nature. L'important, c'est que chaque être ait un organe qui puisse distinguer les ombres de la lumière. Alors, si on applique ça sur l'intelligence, on se dit, ben, peut-être que le comment, c'est-à-dire le corps, est moins important que le résultat. Et évidemment, ça nous pose des questions alors très fondamentales. Est-ce que ces machines sont intelligentes? Donc là, ce que vous dites, c'est que bon, l'humain est un peu à la une fabrication de des pressions de l'évolution. Donc ce syndrome de grenier, du grenier, c'est tout ce qui nous pousse à accumuler en vue d'une disette, par exemple, ou ce qui nous pousse à accumuler pour montrer qu'on est plus fort que l'autre, etc. Et puis bon, toutes les angoisses qui nous habitent, les angoisses de la mort, chose que l'intelligence artificielle ne partage pas, par exemple. Donc comment l'intelligence artificielle peut être intelligente sans ces caractéristiques que nous avons. Mais en même temps, Voilà, vous dites c'est que exactement la question. l'intelligence artificielle, en même temps, finalement, vous dites que c'est comme, j'aime bien cette expression-là, un perroquet stochastique. Finalement, ça fait que accomplir des automatismes algorithmiques. Ouais, ben justement, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est probablement plus qu'un perroquet. Parce que, évidemment, les interactions qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle dépassent la simple prédiction du mot qui suit. Hein. Donc, à la base, c'est ça, c'est les algorithmes qui prédisent le mot qui suit. Mais là, il y a des interactions qui sont parfois étonnantes et troublantes. Mais bien au-delà de ça, ce qu'elle fait, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu un miroir. Elle nous pose la question et dit, si je ne suis qu'un perroquet qui prédit le prochain mot selon toute une immense base de données, on peut tout à fait argumenter que c'est peut-être le cas pour l'être humain aussi. Hein? Oui, c'est C'est-à-dire qu'on ça. aurait une base de données dans notre tête et qu'on prédirait le prochain mot, ou alors qu'on répondrait à des algorithmes qui ne seraient pas numériques, mais génétiques, environnementaux, des pressions. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que non seulement cette chose-là nous pose la question de l'intelligence, mais en même temps, elle nous la renvoie. Puis elle nous dit, vous, être humain, est-ce que vous êtes vraiment aussi intelligent et conscient que vous le pensiez? C'est ça, il y a une série d'interrogations qui arrivent à chaque fois que vous établissez un petit peu des différences entre l'intelligence humaine et artificielle. Finalement, vous revenez, oui, mais c'est pas si différent que ça dans l'humain, parce que finalement, on fait juste accomplir ce que des instincts, finalement, des comportements innés acquis de nos gènes. Finalement, on est des automatismes chimiques On par n'est pas rapport. que je, on n'est pas Non? juste ça, je crois, mais on l'est peut-être beaucoup plus qu'on le pense. Et la question du petit supplément, disons qu'on est une série d'algorithmes génétiques, des pressions évolutionnistes qui agissent. Le petit surplus qui fait qu'on est peut-être une angoisse existentielle, on est capable de tendresse, etc. Est-ce que ce petit surplus, c'est ça qui nous fait humains? Et en plus, on s'aperçoit parfois que dans certaines interactions qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle, elle semble, et j'ai bien dit elle semble posséder ce petit surplus. Alors là encore, ça pose la même question. A-t-elle atteint un niveau qui ressemblerait à celui des autres êtres vivants? Ou est-ce que ce petit surplus est lui aussi le résultat d'une complexité algorithmique qu'on peut retrouver et chez les êtres vivants, qui serait une complexité algorithmique génétique? Et peut-être dans les algorithmes numériques. C'est un petit peu ça la question, en fait. Donc finalement, plutôt que d'essayer de départir qu'est-ce qui appartient à l'humain ou à l'intelligence artificielle, bah c'est plutôt de proposer une coévolution. Donc Oui. on évoluerait finalement avec, on coévoluerait avec cette intelligence artificielle et vous arrivez à l'idée de chrysalide. Donc Oui. est-ce que finalement ça c'est quand même le cœur de votre livre, là, la Oui. chrysalide avec la succession des liquéfactions. Donc expliquez-nous cette idée. Alors, l'idée un peu, bon, c'est une métaphore, on s'entend. Oui. L'idée de la chrysalide, c'est que, en fait, c'est un peu comme le cocon, en fait, que la chenille construit sur elle-même, là, pour se transformer en papillon. Et la métaphore, pour moi, c'est que les technologies nous défient tellement aujourd'hui, l'intelligence artificielle et d'autres technologies, celles qui apparaîtront demain, elles nous le défient tant au niveau fondamental, elles défient nos universaux, qu'elles nous liquifient presque littéralement. J'ai dit presque littéralement, on s'entend, c'est métaphorique ici, mais elles posent des questions tellement fondamentales sur qu'est-ce que la gouvernance, qu'est-ce que l'agentivité, qu'est-ce que l'imputabilité, qu'est-ce que la sensibilité artistique. Ouais. Quand des algorithmes semblent être capables, de temps en temps, de faire quelque chose de très émouvant, sans qu'il y ait à l'origine de cette production quelque chose comme une angoisse existentielle. Alors, il y a tellement le temps aussi remis en question, hein, il y a tellement l'économie on le voit déjà là, mais c'est Ouais. le début d'une économie qui est en train de se transformer. Il y a tellement de changements très très profonds que l'idée vraiment, c'est qu'il y a comme une liquéfaction de nos fondamentaux sociétaux, ontologiques et philosophiques. Qui nous force à nous réinventer. Hein? Donc, Et et on... évidemment, après ça, il y aurait la renaissance, entre guillemets, le Ouais. papillon. Ouais. Et donc, on passe à travers une série de liquéfactions qui vont... Donc, c'est vraiment comme ça que vous les nommez, là, les premières liquéfactions, jusqu'à 9 ou 10, je crois. Donc, qui sont comme des transformations de notre perception de la mort, parce qu'avec, bon, toutes ces machines numériques, on va peut-être être amené à vivre plus longtemps. Perception, donc, transformation de la perception de la mort, transformation des relations humaines aussi, bon, perception du travail, évidemment. Transformation aussi de l'intelligibilité du monde, comment on Oui. comprend le monde à travers Oui. l'IA, puis transformation de nos prises de décision, on en vient presque à se fier littéralement à l'IA pour prendre des décisions presque aveuglément. Oui, ça va être un défi majeur. Hein. Ce qu'en Ouais. fait, dans toute la section sur la liquéfaction, c'est l'idée, c'est que voici les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Pas forcément négatifs, mais ce sont des réinventions. Et ce qui m'intrigue, c'est qu'on n'a pas toujours les cartes, on n'a pas toujours les outils pour penser ces réinventions. Donc, reprenons un petit peu sur le côté de la mort, donc le fait que les technologies, dans quelques temps, vont pouvoir nous permettre d'avoir virtuellement, de faire vivre presque éternellement des gens de façon virtuelle. Donc, avoir, je ne sais pas moi, l'image parfaite de ma mère décédée, avec sa voix parfaitement reproduite, Ouais. avec l'intelligence artificielle qui va presque reproduire ses idiosyncrasies, ses façons de penser. C'est à la fois négatif et positif. On peut imaginer des scénarios des deux côtés, mais c'est surtout qu'on n'a pas les outils pour faire face à cette chose-là, parce qu'on a vécu depuis le 200 000 ans l'existence de l'Homo sapiens avec la mort, avec laquelle on devait apprendre à vivre, ceux qui survivent. Et aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose de complètement nouveau pour lequel on n'a pas vraiment d'outils d'intelligibilité, justement, comme vous dites. Et ça revient un petit peu dans le livre sur cette vision qui est pour moi cette notion qui est très importante de William Ogburn, qui est le décalage culturel, hein, que ce sociologue américain du début du XXe siècle, qui disait que la vitesse à laquelle les technologies changent la société dépasse de beaucoup la capacité de la culture à en extraire du sens. Et je pense que c'est exactement ça la liquéfaction, c'est qu'il y a une transformation et nous on prend du temps pour essayer de comprendre ces choses-là, la socialisation, l'intimité artificielle. Et pendant qu'on prend du temps à le faire, ben, il y a un décalage qui se fait et ça nous trouble. Mais ce n'est pas forcément et absolument, pour moi c'est très important, ce n'est pas une dystopie, ce n'est pas une apocalypse. C'est une nécessité d'avoir à se redéfinir et il y a des choses positives dans cette redéfinition. Ah oui. Donc pour illustrer un peu plus ça, effectivement, dans le cas de la mort, vous parlez des avatars, donc des avatars d'une personne qui serait décédée. Et dans ce cas-là, bah, que devient le sens du deuil, finalement? Et on n'est pas préparé à ça Non. parce que dans notre, je sais pas, pour nous, bah, la mort est là, puis après, il faut faire son deuil et on passe un peu à autre chose. Mais que devient le deuil avec un avatar de la personne décédée? Et on ne sait pas. Non, mais c'est ça, on ne sait pas. On peut, comme je dis, on peut imaginer des scénarios catastrophiques où on n'arrive plus à se séparer, on n'arrive plus à mettre un espèce de terme à quelque chose qui a besoin d'être terminé. On peut aussi imaginer des choses positives, être capable de régler avec un avatar quelque chose qui n'a pas été réglé du vivant de cette personne et qui nous trône. On peut, mais c'est qu'on a toujours vécu avec la mort et la mort, ça met terme à quelque chose et il faut vivre ensuite ceux qui survivent. Avec ce qui n'a pas été réglé, avec cette fin qui est pas toujours, qui n'est pas toujours claire. Et nos religions, nos philosophies, tout est basé un petit peu sur ce terme, ce point qui arrive. Et tout d'un coup, on se retrouve devant quelque chose qui pourrait justement s'étendre ailleurs. Et on a besoin de penser à comment gérer cette chose-là. J'ai une petite anecdote parce que je la trouve rigolote. C'est peut-être, imaginez-vous que vous avez l'avatar d'un parent décédé et que cet avatar prend une certaine autonomie et commence à vous énerver. Est-ce que vous allez vous débarrasser de l'avatar? Est-ce que vous allez l'éliminer ou non? Alors, symboliquement, ça sera très violent comme geste. Hein? Et bon, ça ne sera pas physiquement, mais symboliquement, ça sera très violent. Et comment est-ce qu'on va justement vivre avec ces nouveaux gestes symboliques? Ben oui, c'est ça. C'est vraiment plein de questions auxquelles on pense pas, mais que vous amenez, parce que le livre est truffé de questions comme ça. Qu'est-ce qui se passera quand? Qu'est-ce qui se passera si? Puis c'est pas juste des élucubrations là d'un professeur de littérature. C'est très appuyé. Il y a plein de références de scientifiques de tout domaine là pour appuyer les interrogations que vous avez. Et donc au fur et à mesure de cette qu'on passe à travers les liquéfactions comme ça, ben on arrive aussi à moi. Donc, Oui. nous deviendrons, au lieu de renaître papillon, après la chrysalide, la chenille devient papillon, donc là, nous deviendrons siamois avec notre frère ou notre sœur jumeau, jumelle, IA. Oui, donc l'idée vraiment, c'est bon, si à moi, malheureusement, c'est peut-être pas une image aussi belle que le papillon, là, c'est toujours un peu effrayant comme image, mais pour moi, c'était l'image parfaite parce que si on imagine deux si à moi qui sont soudés à la tête, comme ça arrive rarement, mais ça arrive, il y a quelques exemples de ça. C'est l'idée justement que l'humain et l'intelligence artificielle et d'autres technologies dans le futur, on va être parfaitement soudés. Mais ce que j'aimais dans l'idée du siamois, c'est que ce n'est pas une fusion totale. Hein. Dans le siamois, ce sont deux entités qui sont à la fois une entité, mais deux entités. Hein. Donc il y a comme deux personnes, mais qui sont une personne à la fois, puisqu'elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et en plus, si c'est le cerveau qui est fusionné, c'est en plus leurs pensées sont à la fois deux et une. Et je trouvais que c'était une métaphore qui me semblait intéressante. C'est-à-dire qu'on va être, probablement dans les prochaines années, on va penser, réfléchir, être ému, à la fois par, à travers, influencé par l'intelligence artificielle que nous-mêmes nous allons influencer. Il va y avoir un aller-retour, un peu comme une bande de Möbius, hein, entre nos intelligences. Et ce que j'aimais aussi dans cette métaphore, c'est que si vous imaginez deux êtres fusionnés, dont les cerveaux sont fusionnés, il y a quand même deux corps, hein, qui sont un peu à l'opposé l'un de l'autre. Hein. Et pour moi, l'idée, c'est que les défis des années à venir sera de négocier l'espace entre ces deux êtres-là. Hein. C'est ça, vous Mais parlez de quel est l'espace? négocier, ça, faut Oui. se, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester d'humain, et l'humain va C'est ça. devoir se négocier un espace là Oui. pour pas, entre guillemets, je sais pas, laisser l'IA avoir complètement emprise sur nos pensées ou sur nos façons de faire. Oui, et probablement que cet espace va bouger, dépendant même des générations. Hein. Il y a des générations probablement plus âgées, comme la mienne, qui vont garder plus d'espace pour l'humain. Peut-être que les générations futures vont donner un petit peu plus d'espace aux intelligences artificielles et autres technologies. Ça va fluctuer. Mais la question, justement, c'est exactement ça. Que restera-t-il de l'être humain et que voudra-t-on qu'il reste de l'être humain aussi, hein? Qu'est-ce qu'on va considérer comme... Et vous savez, moi, je trouve que c'est une très belle question à se poser. Parce que ça va nous forcer à articuler qu'est-ce qui est important pour nous dans notre humanité. Quelles sont les choses que nous voulons absolument garder? Parce qu'une des questions dans l'avenir sera, quelles seront les choses que nous ne voulons pas donner aux technologies et à l'intelligence artificielle et que nous voulons garder pour nous-mêmes, même si elles pourront être faites par ces technologies? C'est une question intéressante à se poser. Vous savez, en éducation, par exemple, comme à l'université, tout le monde est très troublé. Hein, l'intelligence artificielle trouble beaucoup. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'elle va nous forcer, nous, enseignants, professeurs et administrateurs, dans tous les cycles d'enseignement, de nous poser fondamentalement la question, quelle est la valeur ajoutée d'être en personne, en Ouais. classe, Ouais. au lieu de le prendre pour acquis et de parfois ne pas profiter de cet espace-là. Et je trouve ça extraordinaire. Mais ce seront, selon moi, ce seront parmi les grands défis auxquels nous aurons à faire face, au niveau, disons, ontologique, philosophique, un peu fondamental. Puis en même temps, dans la liquéfaction, là, il y a une des étapes de la liquéfaction qui est le divin. Comme si finalement on allait se fier à l'IA parce qu'elle va plus vite que nous. Les algorithmes sont, on n'arrive pas bien à saisir la logique algorithmique derrière certaines décisions que nous sont proposées par l'IA. Donc on se fie comme si on avait une croyance absolue, mais en l'IA. Mais donc si on a une croyance absolue de l'IA, comment négocier en quelque chose auquel on se fie aveuglément? Ça va pas être Et voilà. facile. Non, ça ne va pas être facile et ça va poser des questions très fondamentales au niveau des religions, parce que déjà on la voit, je vous dirais, l'IA, déjà on lui attribue certaines qualités un peu divines sans le dire, hein. Les termes qu'on utilise, hein, on parle beaucoup d'apocalypse si on laisse l'IA se faire par Ouais. elle-même, hein. Donc on utilise des termes quand même très religieux. Il y a cette idée que les intelligences artificielles elles sont très très fortes dans la prédictibilité. C'est un peu comme des oracles quelque part aussi. Ouais. Je pense que le fait que quand on trouve que les intelligences artificielles hallucinent, hein, donc elles disent un peu n'importe quoi et que ça choque beaucoup la société, j'ai l'impression que ce choc qu'on ressent nous vient du fait que l'on considère ces choses-là comme presque parfaites. Ouais. Et que dans la perfection, on a beaucoup de difficultés à accepter que dans la perfection, il pourrait y avoir des erreurs. Un peu comme on n'accepterait pas qu'un divin puisse se tromper, hein, il est parfait par définition. Donc, il y a, je pense, une tendance vers cette chose-là. Et en plus, le fait qu'évidemment, quand on est plus religieux, quand on est religieux, on a tendance à prier, on demande de l'aide aux divinités, aux divins, aux sacrés. De temps en temps, on reçoit des réponses, mais disons plutôt rarement. Mais là, on va en recevoir des réponses. Ah Hein, oui. et on va recevoir des réponses même d'une intelligence artificielle qui pourra dire dans quelques années, voici tous les critères de ce que vous êtes au niveau biologique, voici votre état de santé. Je prédis que dans X nombre de jours, vous risquez d'attraper un cancer, de tomber malade, de mourir, etc. On va arriver quelque part dans ces eaux-là, peut-être pas aussi précisément que je le dis. Et là, on va donc donner à ces choses-là, on va leur attribuer des Ouais. caractéristiques qu'on attribue, je pense, actuellement au divin. Peut-être. Mais je pense qu'il y a un glissement qui est tout à fait possible ici. Donc, effectivement, ce sont toutes des questions aussi à se poser, et puis il faudra se garder un espace de négociation Oui. là-dedans. Mais d'un autre côté, cette évolution, cette coévolution avec l'IA, avec le siamois, nous amène à de nouveaux espaces que vous nous faites explorer à travers la notion de qualia. J'ignorais complètement ce mot-là, je ne savais pas que ça existait. En plus, vous l'écrivez avec un Q majuscule, alors qu'en fait, c'est un nom commun, il existe. Donc, c'est quoi la qualia? Bon, la qualia, c'est un terme philosophique, c'est l'expérience sensible du vivant. Donc, en quelques mots, vous promenez dans un verger de pommiers à l'automne, il y a un petit vent, une petite brise, il fait 23-24, ni trop chaud ni trop froid, il fait sec. Vous tendez le bras, vous tirez une pomme de l'arbre et vous la croquez. La couleur rouge de la pomme, le sucre de la pomme sur vos lèvres et sur votre palais, la chair de la pomme, cette sensation-là sensible, c'est ce qu'on appelle la qualia, donc l'expérience sensible du vivant. Ouvrir une bouteille de vin que vous vouliez boire depuis des années et humer son bouquet, par exemple, ça aussi c'est la qualia. Donc la qualia, c'est un peu ce qui fait qu'on aime vivre, hein. C'est un peu ce qu'on recherche dans notre existence, c'est ces moments-là. Et ces moments-là, c'est un peu comme le sublime, on peut l'imaginer que le sublime aussi, hein, ça serait une forme, disons, une forme très, très dense de la qualia, peut-être même le sublime religieux, quelque chose comme de la qualia. L'idée, c'est que, est-ce qu'il serait possible avec les intelligences artificielles d'atteindre de nouvelles qualias? Et ce que je propose, c'est que comme les intelligences artificielles sont capables de faire des choses qui nous sont très difficiles, hein, donc par exemple lire des immenses bases de données, notre cerveau n'est pas fait pour ça. Les intelligences artificielles peuvent le faire. Et l'idée, c'est que si on met cette capacité de l'intelligence artificielle avec la sensibilité humaine, la qualia, peut-on découvrir de nouvelles qualias? Comme par exemple, l'exemple que je donne, c'est de décoder le langage animal. Donc je donne l'exemple celui des chauves-souris, des roussettes, les chauves-souris, dont après avoir décodé leur langage grâce à l'intelligence artificielle, j'adore cette anecdote, on s'est aperçu que les mères chauves-souris avec leurs souriceaux utilisent le babil. Hein. Vous savez, quand la mère dit à son fils, oh, mon petit Oh ouais. chouchou, etc. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une qualia? Parce que tout d'un coup, ça nous ouvre l'esprit vers une sensibilité auquel on n'avait pas accès. La sensibilité du monde animal, la douceur, la tendresse, la terreur que peut ressentir le monde animal, peut-être même le monde des insectes, on pourra peut-être y arriver. Peut-être qu'on pourra comprendre ça dans d'autres mondes aussi. Peut-être qu'on arrivera à comprendre aussi des qualias de comment l'intelligence, comment la conscience humaine se forme, puisque c'est la grande question. Ça, pour moi, c'est l'espoir, c'est d'utiliser ces intelligences-là pour nous permettre, nous, d'accéder à des nouveaux mondes de connaissances dans lesquels on pourra introduire notre sensibilité, notre angoisse existentielle et justement de découvrir de nouvelles qualias à ce moment-là. Et donc finalement, au sortir de la chrysalide, ne sortira pas un, nous ne serons plus humains, mais nous serons plus humains. Voilà, c'est bien plus humain et peut-être moins humain dans la façon dont on l'a imaginé depuis 200 000 ans. Parce que vous savez, souvent on dit faut rester humain, il faut garder l'être humain dans la boucle. Mais tout ça pour vous dire qu'on n'est pas toujours le plus humaniste qui existe sur cette planète non plus, ou le plus moral. Donc c'est vraiment, comme je le disais, un livre vertigineux qui nous fait passer à travers beaucoup d'interrogations, sans avoir toujours les réponses, mais qui nous prépare peut-être à ce que l'avenir sera demain. On ne sait pas toujours si on doit prendre ce livre comme de la science-fiction, comme un futur possible, mais est-ce que aussi on doit s'en inquiéter ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous fait réfléchir. Alors merci beaucoup, Olivier Dihens, de nous proposer cette réflexion à travers ce livre. Donc, l'humanité artificielle, quand l'IA nous réinvente, qui renaît? Et je rappelle que vous êtes professeur au département des. Donc, c'est aux éditions XYZ. Et je rappelle que vous êtes professeur au département des littératures françaises à l'université McGill et fondateur du laboratoire Building 21. Merci beaucoup, Olivier Diens. Merci beaucoup. Alors, on fait une petite pause sur CKRL 89.1 et au retour, on décortique les mots hypothèse, théorie, loi, principe qui n'ont pas exactement le même sens en science que dans le langage courant. Oiseau se meurt au pays des fleurs de la transe. Les oiseaux se meurent, qu'en est-il de la chance? Les oiseaux se meurent par le coup de la lance. Les oiseaux se meurent, qu'en est-il de la chance? Qu'en est-il de la chance? Des jours ensoleillés, des amours de vacances pour les cœurs abîmés, qu'en est-il de la chance? L'aurait-on oublié quelque part par méfiance, par mauvaise volonté? Qu'en est-il de la chance?